semble incertain quand le jour traîne. Son lot d'incertitudes et de dévers. Quand tu te crois perdu dans les méandres de rêves compliqués dont tu penses dépendre. Quand les nuits s'amenuisent ta mesure, que grandit ton besoin de des mesures. Quand rien ne satisfait ton ambition, quand l'impossible devient ton obsession. À ses soins, à ses mains, ses adorables petits doigts de fée. Il est temps de t'abandonner à sa tendre racinée. Laisse-la t'envelopper. Il est temps. Même les miracles, personne dans les gradins pour le spectacle d'une vie qui semble dénuée de destin. Même à Rome, les gens perdent le latin. Quand tu oublies tes rêves d'adolescent, quand le train-train devient intéressant, quand le satin d'un saint te laisse froid, quand ton plaisir se fera sous les bras. Il est temps de t'abandonner. Adorable petit doigt de fée. Il est temps de t'abandonner à sa tendre racine. Laisse-la t'envelopper. Il est temps. D'une ruelle dans l'obscurité, elle seule, tu le sais, pourrait l'éclairer de son sourire ensoleillé, de ses dents au reflet d'été. Tu vis au bout d'une ruelle dans l'obscurité, elle seule, tu le sais, pourrait l'éclairer de son sourire ensoleillé, de ses dents, oh, au reflet d'été. Alors, alors, il est temps de t'abandonner. À ses mains, ses adorables petits doigts de fée. Il est temps de t'abandonner à sa tendre racine. Laisse-la t'en